Rejection, The Alternative Remix sur la fréquence 95.3, c'est signé Martin Solveig featuring Jesse Bag. Bel été, bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances, évidemment. Pour les autres, bon courage à La Rochelle avec un maximum de bonnes choses en un minimum de temps, avec par exemple Illico Presto, l'un des très nombreux remixes de ce gros carton de Bob Sinclar avec I Feel For You, qui va nous accompagner encore et toujours et tout au long de cet été 2007. Galaxy New. Révélation intergalactique de ces dernières semaines, Beluca et les Nightcrawlers dans Push the Feelings. Disponibilité sur le label Stills Record. Si vous avez la chance d'écouter Galaxy sur votre lieu de vacances, et sans aucun doute si vous n'êtes pas dans la région Nord-Pas-de-Calais, par l'intermédiaire du web, de l'internet, sur live.galaxyfm.com, et c'est Galaxy partout dans le monde, même à l'autre bout de la planète. Et ça, c'est vraiment bien. D'un seul clic, d'un seul facile, fastoche, rien à installer, live.galaxyfm.com, Galaxy all around the world. Illico Presto dans ta radio, un must du moment, un incontournable, un bel extrait de Solid Sound, The Essential Club Music, en version intégrale, une nouvelle fois, Didier Delichoux, c'est Rick dans We Won't Stop, Now on Galaxy. bien suivre l'excellent Bouka Shadé sur Galaxy, mais aussi Mundi dans la version 2007 du fameux Superman. C'est déjà la demi de l'heure. Galaxy. Music and news. John Acquaviva sur Galaxy. Une pure merveille avec Gail in the Hole du label Définitive. Des nouvelles de David Beckham alors qu'il s'apprête à rejoindre le club de football des Los Angeles Galaxy. Le footballeur anglais David Beckham a donc été invité à participer à un débat à l'USC pour University of Southern California. Cette conférence donc devrait s'inscrire dans le cadre d'un séminaire sur le rôle du sport dans la diplomatie. Interrogé sur le choix de ce prestigieux hôte, l'organisateur de l'événement, le professeur Nicolas Cull, a déclaré « C'est un athlète exemplaire et j'attends donc beaucoup de son intervention ». De son côté, David Beckham, donc le joueur, a confessé son inquiétude en reconnaissant qu'il n'était pas doué pour les discours et pour devenir maître de conférence. Affaire à suivre, en tout cas apparemment, il servira d'exemple pour les jeunes. Galaxy, only, only, only house. La suite, c'est l'un des numéros 1 de l'été, grâce à vous, John Dalbach, avec Blink on Galaxy. I love it. qui suit dans l'heure qui vient. On part de plus belle avec Abyss, Mind Game, les jeux de l'esprit si vous préférez. Questions à poser, suggestions à faire, une seule adresse, le courriel, l'email de Galaxy. Le courrier électronique, c'est info@galaxyfm.com. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. énergie. Marre de ruminer ta journée de galère dans ton coin. Viens plutôt secouer tes tympans. Avec Stéphane. Eps, écoute. Salut, bonjour. Stéphane. Attends, c'est grand. Ça le fait. De nouveau son. Bord de Galaxy, la radio de vos vacances, la radio de votre été avec un instant Show Me Love en version 2007 du label Chic Flowers, Ibiza Music United. Pas exactement. Ça va toujours, c'est la pleine forme. Heureux de vous retrouver. Nous vous souhaitons une agréable journée, bon nombre de soirées intemporelles, incommensurables pour tous les amateurs de bonne musique électronique dans toutes les tendances musique électronique, justement. Du côté, par exemple, du Technic Factory, chaque vendredi, à Gorham Croix, Belgique, HSSFB vous propose un concept Jump Style et Art Style. Soirée qui boost, qui jump, comme dirait l'autre, avec en prime et en cadeau, l'entrée libre et gratuite chaque vendredi. Donc, concept Technic Factory ou Pulse Factory de Gorham Croix, Belgique. À bon entendeur, salut d'autres idées de sorties de soirée. Vendredi, samedi ou dimanche, galaxyfm.com, rubrique info soirée Galaxy. Et vous saurez tout. Illico Presto, l'un des musts de l'été, justement, c'est Flash Brothers avec Together. We'll be right back. time for house. We'll be right back. Happy Days on Galaxy. Production 100% Made in France. Le groupe mythique Daft Punk dans la rétrozone avec Round the World. tout va bien, tout baigne. L'été là, Galaxy également, fréquence 95.0 ou All Round the World justement sur live.galaxyfm.com. Des nouvelles de Pamela Anderson qui serait peut-être surdouée en langue, on ne sait pas, en tout cas de visite en Finlande, pays dont elle est originaire. La belle Pamela Anderson aurait découvert avec surprise qu'elle arrivait presque à parler le finnois. Depuis, elle a carrément décidé de prendre des cours pour le maîtriser parfaitement. Eh oui. Experte en langue et pas seulement à mon avis. Hein. Illico Presto, il y a Mighty Dub Cats dans Magic Carpet Ride. Bel été, bonnes vacances. Here's what I wrote. Jamais plus d'une minute sans musique. J'arrête pas la musique de votre côté, vous n'éteignez pas la radio, d'accord? À l'instant, Hot Chip avec My Piano et juste à vous dire à suivre. Là maintenant, tout de suite, il y a pour vous Dansan et Ron Reiser. C'est nouveau, c'est Promises. À bon entendeur, salut, c'est déjà la demi de l'heure. Rendez-vous compte que le temps passe vite. Fire! The Empire of House Music. Take it out. Stéphane Laroche. Now you is gonna grease them to every song I heard now. I said you in the morning to every calling star. I said you now I know to what the feeling is. I bet you ain't gonna greet me to meet myself in high. You and you, now you won't ever make. Said you do now why. Selon Tarnio, c'est un bel extrait de ce bel album à paraître, à sortir le 27 août prochain. Album baptisé Audio Color, celui de Didier Fred Hush, du H2O évidemment. Grand moment avec ce Dangerous Disco, avec entre autres évidemment la possibilité pour vous de décrocher à de nombreuses reprises ce bel album en avant-première sur Galaxy. Audio Color, c'est à découvrir, c'est Didier Fred Hush, et là c'était un bel extrait donc, le Dangerous Disco. Salut Sublime, en joindre à toutes celles et ceux qui bossent, bon courage. Pour les autres, bonnes vacances, et puis pour tous, bel été, ça va de soi. Helico Presto dans ta radio, j'ai sélectionné pour toi le fameux Danny Fricazoi dans Recordable. Galaxy, save the rhythm. Save the rhythm. Save the rhythm. Microzone sur Galaxy. Don't want no short, short man. Don't want no short, short man. Yeah.